à tous et à toutes. C'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Européenne, le rapport de force ». À quelques jours du scrutin européen, le moins que l'on puisse dire est que celui-ci ne passionne pas les foules. C'est bien regrettable lorsque l'on mesure l'impact sur notre vie quotidienne des décisions prises principalement à Bruxelles, au niveau de la Commission, et dans une moindre mesure au Parlement de Strasbourg, pourtant élu au suffrage universel. Quel est le rapport des forces en présence? Que ressortira-t-il de ce scrutin habituellement à forte abstention? Il n'est pas facile de faire des pronostics. Pourtant, c'est l'avenir de l'Europe qui est en jeu, et par-delà, celui des nations, des peuples qui la composent. Macron et son parti voudraient surgir sur la scène européenne et prendre la place des partis traditionnels. Droite dite conservatrice et social-démocratie qui finissait par se confondre dans une vaste coalition, ayant pour base une politique de droite après une approche progressiste quelque peu sociale qui a permis la construction européenne. Ces partis sont aujourd'hui remis en cause. L'extrême droite progresse presque partout en Europe, même dans des pays qui ont connu le fascisme et ses conséquences désastreuses. On pourrait se croire revenu dans les années 30 avec la montée des nationalismes, nationalisme belliqueux et raciste. Mais les citoyens des classes populaires ne veulent pas se reconnaître dans l'idéologie nauséabonde, voire haineuse, véhiculée par l'extrême droite. Pour exemple, Salvini, Orban, Le Pen et autres. S'agit-il du même combat? Certainement. Alors que reste-t-il comme choix aux électeurs? Macron et les médias sabotent, voient d'un bon œil un duel prépondérant entre son parti et celui de Marine Le Pen, afin de faire oublier tout le reste. Tout le reste des candidats qui veulent ou prétendent vouloir faire évoluer l'Europe vers davantage d'unité, davantage de social et d'écologie. Je ne suis pas le seul à déplorer ce face-à-face bien français entre une extrême droite et une droite économiquement libérale, cette droite, est plutôt antisociale. Récemment, Libération, que l'on ne peut soupçonner d'être anti-Macron, titrait « Macron-Le Pen, main basse sur la campagne », ajoutant, je cite, « que l'objectif est d'assécher la concurrence et arriver en tête le 26-5 ». Sans pour autant avoir un projet européen. Ainsi, Macron se pose comme rempart à la montée de l'extrême droite en France et en Europe, voulant faire oublier que c'est sa politique ultralibérale, il n'est pas le seul en cause, ultralibérale côté économique, qui a suscité la méfiance envers l'Europe, voire son rejet par les classes populaires. La gauche, quant à elle, reste divisée entre plusieurs tendances. Pour la première fois de sa jeune histoire, le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon participe à une élection européenne. La transformation de l'Europe est l'une de ses priorités. La transformation de l'Europe, donc, pas de faux suspense. La France insoumise aura énormément de difficultés à bousculer les équilibres au Parlement. Sa bataille est d'ailleurs, après avoir imaginé créer un groupe indépendant, il souhaite prendre le pouvoir au sein du groupe La Gauche Unitaire Européenne, gauche verte nordique. Actuellement, il est composé de 52 députés, soit la sixième force politique à Strasbourg, avec notamment le PCF et les Grecs de Syriza, avec lesquels les relations ne sont pas au beau fixe. Afin d'atteindre leurs objectifs, les Insoumis jouent sur deux tableaux. Le premier en France, la liste menée par Manon Aubry souhaite réaliser un joli score, entre 10 et 12%, ce serait idéal, afin d'arriver avec la plus grande délégation au sein de l'échiquier européen plutôt. Le second se joue à l'échelle européenne, à l'initiative de LFI, France Insoumise. 6 listes sont regroupées sous la même bannière, maintenant le peuple. La petite bande est composée de l'Alliance Rouge et Verte, Danemark, Podemos en Espagne, Alliance de Gauche Finlande, Bloc de Gauche Portugal, Parti de Gauche Suède et les Insoumis. Un candidat sur la liste LFI décrypte. Si nous réalisons un bon score, et nos alliés aussi, nous deviendrons incontournables au sein de la GUE. Nous pourrons imposer le rythme sans brusquer nos partenaires. Il faut comprendre. Une locomotive, le député sortant Younous Omerji, quatrième sur la liste LFI, se verrait bien présider le groupe. Est-ce que je serai candidat ? Attendons de voir les résultats, répond-il avec un petit sourire. En croire ses collègues insoumis, son expérience au Parlement et son côté bon camarade plaident en sa faveur. Lorsqu'elle se projette, LFI, la France insoumise, fait souvent le rapprochement avec ses 17 élus nationaux à l'Assemblée, qui bousculent l'hémicycle. Le mouvement se dit prêt à trouver des alliés sur des sujets précis et il désire jouer les troubles faits à Strasbourg afin d'étendre sa visibilité. On sera peut-être moins nombreux, mais on tâchera d'être efficace, prévient un candidat. Voilà, je reprends là les paroles donc de LFI dans le journal Libération. Du côté des écologistes, ceux-ci ont certes le vent en poupe, mais certains d'entre eux veulent flirter avec la droite ou le centre droit. Tel Cohn-Bendit, oublieux de ce que la politique Macron a fait contre l'environnement. Mais les hulotistes ne semblent pas rancuniers. Alors ne pas aller voter, comme la majorité des Français et même des Européens, c'est laisser à ceux qui votent le soin de décider pour nous. Croyez-vous que cela est acceptable ? Le choix des électeurs est large et il n'a pas besoin non plus de voter pour les partis traditionnels, ceux qui souvent ont le monopole de la propagande, tout comme les partis qui détiennent le pouvoir politique, confortés par le pouvoir économique et médiatique. Alors s'abstenir, c'est voir passer devant soi le train de l'Europe, dût-il rouler en marche arrière. Je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.